Je vous souhaite un très bel après-midi. Voici tout de suite Histoire vivante sur la première. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Cette semaine, voyage dans le libéralisme. Une société sans croissance ne fonctionnerait pas. Théorie, colloque et pratique, elle finirait forcément par s'effondrer. Un système à l'épreuve. La croissance infinie n'existe pas dans notre monde. Cette règle s'applique à tous les domaines, sauf un. L'économie est censée connaître une croissance infinie. On ne peut pas comprendre et dominer les détails de cet ordre hyper complexe. It was through audacious and imaginative use of mass production methods that US industry was able to perform its wartime miracle. Beliefs which have led us to do the right things, although they are not factually correct. L'obsession d'Hayek, c'est de montrer que la toute-puissance n'est qu'un mythe et que lorsqu'on se laisse prendre à ce mythe, on aboutit précisément à un ordre totalitaire. Dès l'abord, nous nous heurtons à un fait brutal. Le siècle du progrès vers la démocratie, vers l'individualisme, vers la liberté économique, vers le positivisme scientifique, s'est terminé par une ère de guerre, de révolution et de réaction. C'est pourquoi je suis d'avis que nous ne ferons rien si nous nous laissons aller à penser et si nous donnons l'impression que notre but est de réaffirmer et de ressusciter les formules du libéralisme du XIXe siècle. Il est évident, pour moi tout au moins, que la liberté n'aurait pas été anéantie dans la moitié du monde civilisé, si gravement compromise dans l'autre moitié, si l'ancien libéralisme n'avait eu des défauts essentiels. Cet ancien libéralisme, ne l'oublions pas, a été professé par les classes dirigeantes de toutes les grandes nations de la civilisation occidentale. Certes, sous son règne, on a fait de grandes choses, mais il n'en reste pas moins vrai que cette philosophie s'est montrée incapable de se survivre à elle-même et de se perpétuer. Elle n'a pu servir de guide à la conduite des hommes, soit en leur montrant le moyen de réaliser leur idéal, soit en leur apprenant à poursuivre un idéal réalisable. Et je ne vois pas le moyen de conclure autrement qu'en constatant que l'ancien libéralisme a dû être un conglomérat de vérités et d'erreurs, et que nous perdrions notre temps si nous nous imaginons que défendre la cause de la liberté équivaut à espérer que l'humanité revienne naïvement et sans réserve au libéralisme d'avant-guerre. Ces mots ont été prononcés par Walter Lippmann à l'ouverture du colloque qui porte son nom et qui s'est tenu à Paris en 1938. Pour en parler, rencontre avec Serge Audier. Je peux vous demander de vous présenter aux auditeurs de la radio-télévision suisse, s'il vous plaît. Je m'appelle Serge Audier, je suis maître de conférence à la Sorbonne en philosophie politique et je m'intéresse de longue date à l'histoire du libéralisme européen. Et c'est dans ce contexte que je me suis intéressé plus particulièrement au néolibéralisme dans le contexte actuel où la crise du néolibéralisme, le néolibéralisme est au centre de beaucoup de préoccupations. Ça a été au centre dès le départ de vos intérêts ou c'est le développement du contexte qui en quelque sorte vous y a mené ? Disons que je me suis toujours intéressé à la façon dont la pensée politique s'est construite dans le contexte, disons, de la critique du communisme. Donc je me suis intéressé à des courants de gauche, des courants venus du trotskisme, des courants libertaires, et je me suis intéressé aussi à des courants plus situés, disons, à droite, comme les courants néolibérales. Donc c'est dans le contexte d'une réflexion sur les critiques aussi du communisme que j'en suis venu à m'intéresser à ces courants-là. Mais Serge Audier, parle-t-on d'économie ou va-t-on parler politique ? Eh bien, je dirais les deux, parce que il est très intéressant de noter que un certain nombre de ces penseurs, économistes ou autres, ont une double interrogation. Une interrogation politique sur la liberté politique, la liberté des citoyens, le pluralisme dans la société, etc. Et une interrogation économique, c'est-à-dire notamment sur le contraste entre économie dirigée et économie de libre marché, compte tenu du fait que de leur point de vue, qui n'est pas le point de vue évidemment de tous les acteurs, même de tous les libéraux au même degré, de leur point de vue évidemment, il y avait un lien indissociable entre d'une part la liberté politique, la liberté des citoyens et le pluralisme, et d'autre part libre marché comme condition en quelque sorte d'une société libre. Donc de leur point de vue, il y avait une corrélation entre les deux. Mais nous sommes bien mystérieux, convenez-en, puisque nous n'avons livré ni nom ni date, et nous ne savons pas, Serge Audier, ou tout au moins ceux qui nous écoutent, si nous parlons du temps d'aujourd'hui ou d'un temps passé. Or, il s'agit d'un temps passé. On est à peu de choses près dans le 30e anniversaire du 20e siècle. On est autour de 1930. On y sera plus exactement en 1938, à un moment de notre conversation. Vous préciserez pourquoi. 1938, on a besoin d'être mathématicien pour savoir qu'on est avant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, je crois que les contextes sont fondamentaux. On va parler notamment, évidemment, du colloque Walter Lippmann de 1938 et de la naissance du mot néolibéralisme. Le mot néolibéralisme apparaît en 1938 dans un contexte qui est le contexte que l'on connaît, c'est-à-dire juste avant la guerre, où dans la plupart des pays européens, et même pas seulement européens, eh bien, il n'y a plus de démocratie libérale. C'est le cas, évidemment, en Italie, l'Italie de Mussolini, c'est le cas en URSS, c'est le cas en Allemagne. Il y a d'autres cas, évidemment, où il y a des solutions qui sont dans le cadre de la démocratie libérale, qui sont plus interventionnistes, comme évidemment le cas du New Deal. Donc ça, c'est un contexte très particulier de 1938, où la plupart des libéraux ont quand même comme horizon la guerre qui va éclater dans très peu de temps. Ils le savent tous. Et ils ont dans le rétroviseur un moment où le capitalisme, ou le marché, ou le libéralisme à l'ancienne, celui du 19e siècle, a sérieusement patiné. C'est le jeudi noir de Wall Street. Voilà, ils ont un double bilan. Ils sont conscients pour un certain nombre d'entre eux, pas tous, parce que certains sont vraiment des libéraux tellement viscéraux qu'un peu à la manière de Hoover aux États-Unis, ils considèrent que finalement le libéralisme est une bonne chose. Pas mais celui enfin, du FBI, hein, voilà, précise bien, pas le président. Mais celui qui était face à Roosevelt. Ils ont quand même globalement conscience qu'il y a eu un échec du libéralisme. C'est-à-dire qu'il y a eu une débâcle du libéralisme, une crise du libéralisme. Et c'est une époque où beaucoup de gens disent, et pas seulement les socialistes ou les communistes, hein, il y a aussi même des patrons qui le disent parfois, on parle même de la fin du libéralisme. Ou de la crise du libéralisme. Donc, il y a un bilan d'échec du libéralisme, d'une part. Et d'autre part, il y a l'idée que cet échec du libéralisme a conduit, en quelque sorte par réaction, un très fort contre-coup étatiste-dirigiste. Et notamment, dans ses réalisations les plus fortes, dans les pays communistes ou dans les pays dits totalitaires. Il est fait un lien de cause à effet. Pour certains d'entre eux, oui. C'est-à-dire que pour certains d'entre eux, il y a eu crise du libéralisme. Cette crise du libéralisme a engendré en quelque sorte des réactions, même si on sait bien, par exemple, que la révolution russe date de 17, donc bien avant la crise du libéralisme. Avec les premiers œufs en 1905, qui plus est. Voilà, et on sait aussi que le fascisme est né avant la crise de 29. Malgré tout, ils considèrent qu'il y a une montée du dirigisme et surtout une aspiration des masses, comme ils disent, au dirigisme, parce que il y a le bilan d'une faillite du libéralisme. Donc, pour certains d'entre eux, pour une certaine partie de ces libéraux dont on va parler, il y a vraiment clairement l'idée que il y a eu une crise du libéralisme, il y a eu un échec du libéralisme, et cet échec du libéralisme a généré en quelque sorte une réaction qui elle-même est mauvaise de leur point de vue, parce que ce sont quand même des libéraux. Et donc toute la question qui va se poser à l'intérieur de ce spectre, c'est un certain nombre de ces libéraux vont dire il faut changer, mais pour que rien ne change, en quelque sorte, ce seront des libéraux en quelque sorte assez conservateurs, et un certain nombre de ces libéraux se considéreront qu'il y a véritablement eu crise, échec, et donc nécessité d'une refonte doctrinale et programmatique assez forte. Mais juste un mot par comparaison avec le mot néolibéralisme qui apparaîtra beaucoup plus tard, celui qu'on connaît nous, c'est-à-dire celui qui apparaît notamment à partir du coup d'État de Pinochet en 73, et ce moment-là où le mot vraiment connaît une ampleur incomparable par rapport à 1938. Et là, évidemment, le contexte est tout autre. Le contexte est tout autre parce que certes, il y a l'ennemi communiste qui est face à aux démocraties libérales, qui est partout pour certains d'entre eux, mais enfin qui est quand même très limité en un certain sens. Enfin, même s'il est considéré comme une menace en Italie ou ailleurs, il n'empêche. Mais on a beaucoup plus dans ces années 70 et 80 une offensive pour le libre marché qui se déploie sur fond de critiques politique, je dirais, plus de du compromis social-démocrate, comme on l'appellera parfois, du compromis des économies mixtes, ou de ce qu'on a appelé le moment Johnson, le moment Kennedy-Johnson. Donc, si vous voulez, le moment 38 est beaucoup plus tragique, dramatique, parce que la crise du capitalisme est quand même beaucoup plus grave encore, et parce que la réaction anti-capitaliste est perçue comme beaucoup plus inquiétante encore, tandis que dans le moment 73, on a certes un moment de crise du capitalisme, bien entendu, mais cette crise est moins grave, et d'autre part, il y a moins le péril totalitaire, quand bien même il y aurait l'obsession de l'URSS. Serge Audier, si la médaille de la philosophie politique existait, il faudrait vous l'adresser, parce que c'est vrai que ce texte extrêmement précieux du colloque Lippmann, c'est grâce à vous aujourd'hui qu'on peut le lire, qu'on peut l'entendre, puisque nous avons pour nous des comédiens qui vont nous en dire des extraits. Si l'on devait fixer dans les esprits le moment où se passe le colloque Lippmann, ma première interrogation, et je vous la livre, pourquoi Paris ? Paris, parce Paris 1938. Pourquoi Paris ? Ça aurait pu être un peu ailleurs, puisque ça aurait pu même, en un sens, on pourrait penser être un peu en Suisse, puisqu'il y a eu un institut important qui s'appelait l'Institut des Hautes Études Internationales de Genève, qui a joué un rôle important dans ce renouveau libéral. Il y avait notamment Paul Mantoux, il y avait une figure qui s'appelle Rappard, et donc il y avait un pôle suisse, il y avait aussi un pôle autrichien autour de Vienne, mais Vienne, c'était le moment de l'Anschluss, c'était pas le moment de faire quelque chose à Vienne. Et au fond, Paris a été un peu un facteur de focalisation pour deux raisons. D'une part, parce que le grand protagoniste de ce colloque est un philosophe un peu oublié qui s'appelle Louis Rougier. Il était français, donc c'est lui qui a pris en charge ce colloque et il a été relayé par d'autres personnes qui étaient aussi des Français, notamment quelqu'un qui s'appelle Marcel Bourgeois, qui était un patron de sensibilité très à droite, par un certain nombre de réseaux éditoriaux qui étaient aussi situés à Paris. D'autre part, ce colloque a eu lieu dans le cadre de l'Institut international de coopération intellectuelle. Ça, c'est un point important. L'Institut international de coopération intellectuelle, c'était quelque chose, et là on retrouve aussi un peu la Suisse, évidemment, c'était quelque chose qui était lié à la Société des Nations. C'était un peu une préfiguration de l'UNESCO. Et c'est aussi dans ce cadre que beaucoup des acteurs du colloque Lippmann avaient déjà eu des relations et avaient déjà évolué avec des protagonistes qui, une fois de plus, n'étaient pas tous des apôtres du libre marché comme on pourrait l'imaginer. C'était pas tous des Milton Friedman en herbe. Il y en avait, mais il y avait aussi des figures un peu oubliées. Par exemple, il y avait un Espagnol qui s'appelait Castillejo, et Castillejo était une figure de cet institut qui s'intéressait aux questions pédagogiques. C'était un libéral, mais plutôt un libéral politique, si vous voulez. D'ailleurs, le mot libéral est un peu trop généraliste. Qui sont-ils ? On a compris qu'il y avait des philosophes, qu'il y a, quand on dit des penseurs, c'est un peu vague. Il y a dedans des économistes, y a-t-il des hommes politiques ? Quel est le profil sociologique ? Alors, il y a des patrons. Il y a des patrons, et notamment, il y a donc ce patron dont j'ai parlé, Bourgeois, Marcel Bourgeois. Il y a un patron très connu aussi, par exemple, qui s'appelle Auguste de Teuf. Auguste de Teuf était un des patrons les plus connus de cette période. Il avait une correspondance avec la philosophe Simone Veil, et c'était un patron complexe, assez réformiste pour son époque, qui était dans la métallurgie également aussi. Louis Marliot, qui est tombé dans l'oubli. Louis Marliot était une grande figure aussi patronale, qui s'intéressait s'intéressait aussi aux questions de l'industrie sidérurgique. Donc, il y avait un groupe de patrons. Il y avait aussi des économistes. Et là, c'est très important. Et notamment deux groupes d'économistes qui ont joué un rôle très important dans l'avenir. Il y avait un groupe d'économistes autrichiens. Et c'était ce qu'on appelle parfois l'école viennoise. Et il y avait Ludwig von Mises. Et il y avait Hayek. Et donc ça, c'était le pôle autrichien. Et c'était vraiment des économistes de métier, même s'ils étaient très marginalisés. Il y avait aussi des économistes sous un autre pôle qui étaient les économistes de l'école allemande. Et là, il y avait deux auteurs très importants qui étaient des économistes et aussi un peu des sociologues, qui s'appelait Röpke, qui a vécu en Suisse aussi, et il y avait Rustov, et eux incarnaient une autre sensibilité du libéralisme, on reviendra peut-être sur ce terme, d'un libéralisme qui se voulait plus sociologique. Et il y avait aussi des figures diverses, il y avait des hauts fonctionnaires, il y avait des figures qui étaient dans la sociologie, par exemple, il y avait Raymond Aron, qui travaillait à l'époque à l'École normale supérieure. Il y avait Robert Marjolin, qui était encore jeune. Robert Marjolin, qui sera une figure très importante, notamment dans l'histoire de la construction européenne. Robert Marjolin avait fait un travail sur le syndicalisme aux États-Unis. Il venait du courant planiste français, d'un petit courant qui s'appelait Révolution constructive. Révolution constructive, c'était un petit courant socialiste qui avait été animé notamment par Claude Lévi-Strauss, par Robert Marjolin. Et ce courant-là avait évolué un petit peu et Marjolin avait évolué lui aussi un peu vers les idées libérales. Donc il y a un peu de tout, si j'ose dire. Il y a des patrons, des hauts fonctionnaires, des économistes. Et au total, environ combien de participants est-ce que là ? Une trentaine. Et ce qui est très intéressant, c'est que du point de vue de l'histoire de ce colloque, toute la question est de savoir qu'est-ce qui s'est passé justement. Puisque vous dites, vous avez eu le mérite de le rééditer, en tout cas, plus personne n'y avait ou très peu de gens y avaient accès. Et donc j'ai trouvé intéressant de donner à chacun les pièces pour juger et pour se faire une idée soi-même. Juste une parenthèse avant que vous ne poursuiviez, il était où ce document ? Ah, il était dans une ou deux bibliothèques à Paris, je ne sais plus exactement là, mais il était quasiment inaccessible, même quand Michel Foucault l'a évoqué dans ses cours au Collège de France, il a dit vous aurez un très grand mal à le trouver, parce qu'il était dans deux ou trois endroits en France, point barre. Et donc sinon on le trouvait absolument nulle part. Donc vous l'avez déniché où, vous ? Secret défense. Écoutez, franchement, là, à l'instant, je m'en souviens plus, mais dans une des deux bibliothèques françaises, on peut encore le trouver. On vous exaucera. Alors, d'accord. Poursuivez donc. Ce qui m'intéressait, c'était de livrer toutes les pièces de ce colloque, parce que ce colloque a fait l'objet, en quelque sorte, de reconstruction historique, qui parfois, dans un sens ou dans un autre, était un peu fantasmatique. D'un côté, il y avait une reconstruction, je dirais, des libéraux, justement, les plus en pointe dans les années 70, par exemple Hayek, justement. Hayek a très très peu parlé du colloque Lippmann toute sa vie, et à la fin de sa vie, il l'a resitué en quelque sorte dans une histoire longue qui en quelque sorte conduisait de ce colloque à la naissance de la fameuse Société du Mont Pèlerin en 1947, dont il a été vraiment une des chevilles ouvrières, sinon le décideur, jusqu'à en quelque sorte la grande vague libérale ou néolibérale des années 70. Et donc Hayek a un peu relu ça dans une perspective continuiste en quelque sorte. Le premier pas a été posé en 38 parce qu'une internationale néolibérale s'est fixée, même s'il n'employait pas le mot, puis en 47, puis cela s'est développé. Et il y avait un historien de la Société du Mont-Pèlerin, un historien du néolibéralisme, membre de la Société du Mont-Pèlerin qui s'appelle Hartwell, qui a dit, ben voilà, il a aussi repris cette idée que le colloque Lippmann était l'an 1, en quelque sorte, du développement de ce processus continu. Et puis il y a eu une mythification également de ce colloque Lippmann de l'autre côté, voilà, de l'autre bord politique. Voilà, en tout cas c'est politique. Mon point de vue, même si en général, ça les agace que je leur dise. Mais l'autre point de vue, en quelque sorte, a repris ce récit. Mais ce n'était plus un récit rose et hagiographique. C'était souvent un récit noir. C'est-à-dire... complotiste. On a dit, en tout cas, que par exemple, dès le colloque Lippmann, ils étaient tous anti-keynésiens, contre Keynes, ce qui n'est pas vrai. On aura l'occasion d'en reparler un petit peu. Que, en quelque sorte, le colloque Lippmann était vraiment la première internationale qui portait dans ses flancs, en quelque sorte, tout le reste de ce qu'il allait advenir. Alors parfois il y avait quelques nuances certes, mais globalement c'était un contre-récit du point de vue des valeurs, mais qui finalement n'était pas si loin du premier récit. Or ma thèse, ou en tout cas ma conviction, quand on lit les actes, c'est qu'il y a vraiment eu des vrais désaccords de sensibilité, des vraies perspectives divergentes. Certes ils avaient des points de consensus. Les points de consensus, quels étaient-ils ? Ils étaient contre le totalitarisme, ils étaient contre un dirigisme total, ils étaient aussi pour l'économie de marché, donc ça fait quand même un sacré consensus. consensus. Mais à partir de là, ils avaient quand même des divergences de vues quant au rôle des pouvoirs publics, quant au rôle des politiques sociales, quant au rôle des règles du marché, etc., qui étaient loin d'être négligeables et qui étaient d'autant moins négligeables qu'on sait par ce colloque et par leur correspondance qu'ils avaient eux-mêmes la perception de profondes divergences entre eux, en tout cas pour certains d'entre eux. Monsieur Baudin. Je suis frappé par ce fait que messieurs Rougier et Lippmann ont parlé du libéralisme en revêtant ce mot d'une nuance spéciale. Le libéralisme, pour eux, n'est pas celui d'hier, ce sera celui de demain, un libéralisme assagi, révisé, rénové. On se donne ainsi beaucoup de mal pour modifier le sens d'un terme ancien, et on peut se demander s'il n'est pas préférable d'en choisir un autre. Le libéralisme, pour beaucoup, c'est le laisser faire, le laisser passer, et l'on ajoute le laisser souffrir. Sans vouloir être opportuniste, nous pensons que ce mot « usé » est dangereux. On reproche assez à l'économie politique d'être inhumaine. Nous devons centrer la question sur l'individu plutôt que sur la liberté. Et si nous adoptons le mot « libéralisme », ne le faire qu'à titre provisoire, en nous réservant de le modifier ultérieurement. C'est question à la fois de logique et d'opportunité. Monsieur Rougier. Le terme de libéralisme est plus restrictif, à mon avis, que celui d'individualisme. L'anarchiste invoque le caractère sacré de l'individu, de l'unique et son moi, pour porter atteinte aux libertés des autres individus. Ce n'est pas un vrai libéral. Monsieur Mise. Le problème se présente différemment pour les diverses langues. Il convient en outre de tenir compte de la situation politique des différents pays. Il serait déplorable que l'abandon du terme de libéralisme puisse être interprété comme une concession aux idées totalitaires. Monsieur Marliot. Ce qui pourrait se discuter et ce qui devrait se discuter, c'est la question de savoir si la doctrine qui se dégagera sera suffisamment cataloguée par un mot unique, ou s'il faudra ajouter un autre mot qui montrera la nuance du libéralisme que nous avons en vue. Monsieur Hayek. Le problème est de savoir si ce qu'on désigne aujourd'hui par le libéralisme répond bien à nos aspirations. Monsieur Halperin. De quoi voulons-nous discuter ? Cette réunion est une réunion d'économistes. Le livre de Monsieur Lippmann a posé le problème. Étant donné qu'un certain ordre économique règne, quel est le régime le plus approprié pour le mettre en valeur ? Le jeu du mécanisme des prix est le critère qui doit servir à définir le système libéral. C'est là que doit se trouver le point de départ de nos discussions. Monsieur Rougier. Le critère du libéralisme est celui du libre jeu des prix. Monsieur Halperin pose très justement la question. Le mieux est d'entrer demain dans le vif de la discussion. Peut-on dire, Serge Audier, que quand le colloque Lippmann... Walter Lippmann s'ouvre à Paris en 1938. Le cœur du débat, c'est l'interrogation sur, si j'ose dire, je résume et vous me corrigerez, l'avenir du libéralisme ou une interrogation sur le risque d'une crise telle que ce serait un libéralisme désormais mort. Est-ce que le cœur du débat est quel est l'avenir ou préparons l'enterrement ? Non, la question est vraiment quel est l'avenir dans une perspective qui ressemble à celle d'un enterrement. C'est-à-dire, une fois de plus, il faut avoir l'idée que les acteurs sont vraiment des... On n'est pas dans les salons dorés des clubs du grand patronat en 2000. Hein. On est vraiment... Il y a un traumatisme. Il faut savoir, par exemple, que l'appartement de Mises a été vidé par les nazis parce qu'il était juif. Il y a aussi toute cette angoisse qui monte dans ces milieux. Il n'empêche que ce sont par ailleurs des apôtres du libre-marché, comme c'est le cas de Mises. Donc à la fois, ils pensent à l'avenir, ils veulent sauver le libéralisme dans un contexte qui, pour eux, est extraordinairement difficile. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils se rejoignent internationalement. C'est parce qu'ils se sentent extrêmement minoritaires, chacun dans leur pays. Et donc, ils veulent, en quelque sorte, sauver le libéralisme. Et toute la question, au fond, c'est comment sauver le libéralisme. Et là, on va un petit peu peut-être parler de la figure de Walter Lippmann, puisque ça s'est noué à la fois autour du philosophe Louis Rougier et de Walter Lippmann, qui était un journaliste américain, qui a un parcours très complexe. Il était socialiste dans sa jeunesse, il était un progressiste, puis il a été un peu plus conservateur, il a quand même soutenu Roosevelt et l'élection de Roosevelt. Puis il s'est un peu retourné contre Roosevelt parce qu'il considérait que la politique de Roosevelt était un peu trop dirigiste. Et donc, il a critiqué Roosevelt, mais c'est assez complexe parce qu'il a critiqué Roosevelt parfois aussi en s'appuyant sur Keynes. Donc on voit que les débats sont plus complexes qu'on ne peut le dire. Mais pardonnez-moi, mais il faut le préciser ou le traduire un peu plus aux auditeurs. S'opposer à l'un et être en faveur de l'autre ou faire en quelque sorte du slalom, il slalom entre quelles et quelles idées ? Alors, il est au fond convaincu que le laisser-faire, le libre marché, c'est mort. C'est un échec. Cela conduit au désordre économique. Cela conduit à des monopoles monstrueux. Cela conduit à des injustices sociales. Donc le vieux laisser-faire, le vieux libéralisme, c'est mort. D'autre part, il est extrêmement inquiet par la montée d'économies dirigistes et autarciques. C'est quelqu'un, Lippmann, qui est un spécialiste des relations internationales. Il voit la montée dans toute l'Europe des formes d'autarcisme, de dirigisme qui lui paraissent extraordinairement périlleux. Il est d'autant plus inquiet que même parmi ses amis démocrates, parfois il y a des sympathies plus ou moins troubles pour le fascisme ou pour d'autres régimes, en disant au moins eux, ils ont pris les choses en main, au moins eux, ils sont dirigistes. Donc il circule entre deux eaux. Il est un libéral, il se réclame du libéralisme, mais il veut dépasser le vieux libéralisme sans aller dans le dirigisme. Et donc, il va proposer au fond deux perspectives. Une perspective qui est un libéralisme, si j'ose dire, des règles, un libéralisme régulé, un libéralisme qui s'organise autour d'un certain nombre de règles du jeu, et aussi un libéralisme qui est concurrentiel. Et d'autre part, il a en tête la question sociale. Il n'est pas un socialiste, il n'est pas un social-démocrate, mais il considère que les inégalités, par exemple, que connaît l'Amérique à son époque, sont absolument insupportables, qu'elles sont d'abord illégitimes, injustes. Elles font courir un risque à la démocratie. Elles font courir pour lui un risque à la démocratie. Et là, on rejoint toujours l'angoisse que la crise du libéralisme n'engendre par réaction, finalement, une réaction de type totalitaire. Au fond, c'est la révolte des masses, comme on dit parfois. Et cette révolte des masses, elle peut venir aussi de pathologies, en quelque sorte, venues du libéralisme lui-même. Serge Audier, il n'y aurait pas eu le jeudi noir de Wall Street, est-ce que l'analyse eût été, évidemment avec des si pareil en bouteille, etc., est-ce que l'analyse faite par ces libéraux aurait été la même ? Est-ce que, pour le dire autrement, est-ce que Lippmann fait la liste des changements qui sont intervenus entre le XVIIIe siècle d'Adam Smith et le début du XXe siècle où l'industrialisation, la mécanisation et tout ça, la démographie a littéralement tout transformé. Il n'y aurait pas eu la crise de 1929. Est-ce que, selon vous, l'analyse eût été à peu de choses près semblable ? Non, je pense pas. Je pense vraiment que la crise a joué un rôle capital parce que tout simplement, elle a révélé publiquement une débâcle d'un certain modèle libéral. Donc vraiment, la crise est structurante d'abord parce qu'elle a révélé la débâcle du libéralisme. En tout cas, c'est comme ça que les choses sont perçues. Et d'autre part, elle est considérée comme décisive parce qu'elle a provoqué la réaction en quelque sorte antilibérale. Donc vraiment, il pense de l'intérieur de la crise. Il est partisan de ce qu'il appelle lui-même une économie compensée qui implique un rôle de l'État tout de même, même dans une politique d'investissement pendant une période. Donc il est, une fois de plus, entre deux eaux. Mais non, je ne pense pas. Je pense vraiment que la crise de 29 hante tous les esprits. Et là aussi, c'est quelque chose qui me paraît devoir être mis en valeur par rapport à l'offensive néolibérale des années 70, 80, 90. Car elle n'a pas ce même horizon de débâcle du libéralisme. Au fond, comme je dis parfois, les libéraux de cette période, pas tous, il y en a déjà des très radicaux, mais un certain nombre d'entre eux, comme Lippmann, sont en quelque sorte, si j'ose dire, sur la défensive. Ils veulent sauver le libéralisme, mais vraiment en intégrant un certain nombre d'objections qui leur paraissent quand même en partie valables. Tandis que la grande offensive des années 70 autour de Milton Friedman, de l'école de Chicago, je dirais, est beaucoup plus fleur au fusil, si j'ose dire. Décomplexée. Elle est beaucoup plus dans une position d'arrogance, si j'ose dire, et de fuite en avant. Elle n'a aucun intérêt et elle ne voit absolument pas la la nécessité, si vous voulez, d'intégrer, fût-ce rhétoriquement, le point de vue des adversaires. Quand vous lisez Milton Friedman, responsabilité sociale des entreprises, qu'est-ce que c'est, ça ne signifie rien. Crise écologique, qu'est-ce que c'est, ça ne signifie rien. Vous avez des textes où, véritablement, il y a un credo free market qu'on ne trouve pas chez une partie des membres du colloque Lippmann, mais qu'on trouve chez une petite partie tout de même. Et c'est cette petite partie qui prospérera en un sens plus tard. Nous retrouverons Serge Audier demain pour la suite de l'évocation du colloque Lippmann. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc, en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté, dans lequel vous retrouverez demain un autre développement du sujet. Avec aujourd'hui la participation de Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker et Jean-Philippe Zvalen. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez la première et il est 14h.